Lucin, ça schtroumpf ? Bien, tranquille, pépère. T'es main, j'ai pécho l'autorage schtroumpf de Gargamel, t'as vu ? 2x300 schtroumpf, schtroumpf sa mère, l'enculé. Franchement, je peux te le schtroumpfer pour paroche si tu veux. T'as vu ? Bonjour, madame. Je viens schtroumpfer la photocopieuse. Ce porte-jartel met votre cuissage en valeur. Je suis sûr que tu t'es épilé la schtroumpf. Allez, tourne-toi, vilaine. Je vais te schtroumpfer la boîte à Benko.